بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في هذا المجلس لهذا الدرس الثامن bienvenue au cher frère pour ce huitième cours dans l'explication de Kitab al-Tawhid, l'explication du livre de l'unicité. Aujourd'hui, on va commencer, inshallah ta'ala, un nouveau chapitre, Bab al-Khawfi min al-Shirki, le chapitre concernant la peur du polythéisme. L'auteur, rahimahullah, qui nous dit, après avoir cité le nom du chapitre, il nous cite deux versets. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Ainsi que la parole de l'Khalil, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, Wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Et préserve-moi ainsi que ma descendance du fait d'adorer les statues. Avant d'aborder le sujet de ces deux versets, il y a déjà un point important, c'est le fait que l'auteur, rahimahullah, il nous a cité ce chapitre, la crainte du polythéisme, après nous avoir parlé du Tawhid, après nous avoir montré ce qu'est le Tawhid, après nous avoir montré le caractère obligatoire du Tawhid, après nous avoir montré les bonnes conséquences du Tawhid, après tout cela, il nous montre, rahimahullah, il nous montre le danger du polythéisme. Et cela, car le polythéisme est le plus grand péché par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a été désobéi. Comme on le comprend clairement dans le hadith d'Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'a cité al-Shaykhan al-Bukhari et Muslim dans le recueil al-Sahihayn, qui dit que il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyu dhanbi a'zam. Quel péché, lequel des péchés est le plus grand? Lequel des péchés est le plus grand, le plus grave? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu accordes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et donc le péché le plus grand, le fait que tu accordes un égal à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que c'est lui qui t'a créé. Et on comprend aussi, au cher Afkar, ici un point important dans ce chapitre. Le fait qu'il est obligatoire de se méfier de ce péché qui est le plus grand péché par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a été désobéi. Ce péché est le plus grand des péchés, le plus grave. C'est le péché qui n'est pardonné que par le repentir. Car les autres péchés sont sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il pardonne. Et s'il ne veut pas, il ne pardonne pas. Mais ce péché, le polythéisme, comme on l'a déjà vu et comme on va le revoir, le polythéisme ne peut être pardonné qu'avec le repentir. Et celui qui meurt en étant polythéiste, alors celui-ci restera éternellement dans le feu. Un point essentiel qu'il y a ici, c'est que tous ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala, tous les prédicateurs qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala, ils doivent montrer le tawhid et appeler les gens au tawhid, à unifier Allah tabaraka wa ta'ala. De la même façon, ils doivent aussi montrer ce qu'est le polythéisme et mettre en garde les gens contre le polythéisme. Et c'est exactement ce qu'il fait l'auteur dans ce livre, rahimahullahu ta'ala. Il nous a d'abord nous a montré ce qu'est le tawhid, et ensuite, il nous montre aussi le shirk. Qu'est-ce que le polythéisme ? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ » Nous n'avons et nous n'envoyons les envoyés, c'est-à-dire les messagers, nous n'envoyons les envoyés que en étant annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs, ils annoncent une bonne nouvelle, la récompense du tawhid. Et avertisseurs, ils avertissent contre un châtiment douloureux lié au polythéisme. Et donc, ceci est la voix des prophètes. Ceci est la voix des prophètes. Le fait d'appeler à l'unicité et le fait de mettre en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes. Et parmi les formes de polythéisme, nous avons aussi le sihr, la sorcellerie, comme nous allons le voir, inshallahu ta'ala, dans ce livre. Et donc, il n'est pas convenable de laisser le polythéisme se propager dans un endroit sans que le prédicateur ne mette pas en garde contre ce danger. Cela n'est pas convenable. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous lui fassions révélation du fait qu'il n'y a nulle divinité en dehors de moi qui mérite l'adoration, alors adorez-moi. Et donc ceci est la voix des messagers. Et celui qui suit cette voix, c'est-à-dire celui qui aura réussi à rassembler entre le fait d'appeler les gens au tawhid et leur mettre en garde contre le monothéisme, excusez-moi, leur mettre en garde contre le polythéisme, alors celui-ci est sur la voie des prophètes. Le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, il nous dit فإن من سلك هذا السبيل وهو الجمع بين الدعوة إلى التوحيد وسائر الفرائض وحض الناس عليها والتحذير من الشرك وسائر المعاصي فإنه داعية إلى الله على بصيرة ومن لم يكن كذلك فإنه إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من إخوانه النبيين والمرسلين وهو ضال مضل صاحب هوى وسواء كان ذا أو ذاك فإن الحذر منه واجب. Il nous dit, le très savant Ubayd al-Jabiri, حفظه الله تعالى, il nous dit, celui qui emprunte cette voie, qui est le fait de rassembler entre le fait d'appeler au tawhid et ainsi que les obligations, les autres obligations, le fait d'appeler les gens au tawhid et les autres obligations, le fait d'appeler les gens à cela et le fait de leur mettre en garde, donc celui qui rassemble entre ce premier élément qu'on a cité et le fait de mettre en garde contre le polythéisme ainsi que les autres péchés. Alors celui qui fait cela, c'est un prédicateur qui appelle à Allah avec clairvoyance. Mais celui qui n'est pas comme tel, alors c'est soit un ignorant de la voix du prophète, soit un ignorant du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui l'ont précédé parmi ses frères, les prophètes et les messagers, ou alors soit un égareur égaré, ou du moins un égaré égareur, un suiveur, un adepte de la passion. Et peu importe qu'il soit de tel ou tel rang, c'est-à-dire peu importe qu'il soit ignorant ou alors un adepte de la passion, alors il est obligatoire dans tous les cas de se méfier de cette personne. Et donc, il est obligatoire qu'on se méfie de ceux qui n'appellent pas correctement au tawhid, de ceux qui ne mettent pas en garde contre le polythéisme. Ceci est un principe fondamental dans notre religion, la base de l'islam. Comment pouvons-nous passer à côté de ce principe? À partir du moment où on voit un prédicateur qui passe à côté de ce principe, il est impératif de le délaisser et de s'en méfier. Et donc le premier verset qu'a cité l'auteur, rahmatullahi alayhi, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Oh, chers frères et sœurs, on comprend ici clairement que, en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne pardonne pas le polythéisme pour celui qui meurt en état de polythéisme. Attention, pour celui qui meurt comme tel. Et ça, c'est un sujet d'unanimité chez les gens de la sunna. Hein? Certains savants, ils disent même unanimité chez les gens de la sunna et même les gens de l'innovation qui sont d'accord avec Ahl Sunna sur le fait d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Ils sont d'accord sur cela, sur le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui est mort en état de polythéiste. Mais la question, on a plusieurs questions qui viennent ici. Donc, on a vu que Allah tabaraka wa ta'ala, donc, ne pardonne pas à celui, ou du moins au fait qu'on lui accorde quelconque associé. Mais il pardonne en dessous de cela à qui il veut. La question est-ce que la mécréance, elle est en dessous du polythéisme, ou est-ce que la mécréance et le polythéisme sont au même degré et sont semblables? Puisque le verset, il nous dit, je répète le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Il ne pardonne pas le polythéisme. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Et donc, est-ce que la mécréance, elle est en dessous du polythéisme? Et donc, à ce moment-là, que Allah pardonne la mécréance ou pas? Ça, c'est un sujet très important. Il faut savoir que la mécréance est semblable au polythéisme. Et d'ailleurs, la mécréance, ou du moins le polythéisme, a déjà été appelé mécréance. Le polythéisme, dans les textes de la législation, nous pouvons l'appeler mécréance. Et mécréance, polythéisme. La question c'est, est-ce que le polythéisme et la mécréance sont deux éléments différents ou pas? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَمَنْ يَدْعُ مِنْ دُ... وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir de preuve sur cela, alors certes son jugement revient à son Seigneur, c'est-à-dire que son Seigneur va le juger pour ce qu'il a fait. Certes, les incroyants, donc les mécroyants, ne réussissent pas. Et donc les mécréants ne réussissent pas. Et donc ici, on voit quoi? Dans ce verset, le terme el-kufru, la mécréance, a été utilisé pour du polythéisme. Celui qui invoque, il invoque Allah, mais il invoque aussi avec Allah une autre divinité sans preuve. Ça, c'est quoi? C'est du polythéisme. C'est du polythéisme. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Certes, son jugement revient auprès de son Seigneur. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Certes, les incroyants ne réussissent pas. Et donc, le polythéisme, c'est de la mécréance. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans un autre verset, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ Hein? وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا Il a accordé à Allah des égaux. C'est du polythéisme. Il a accordé à Allah des égaux. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ Afin d'égarer les gens de sa voie. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Dis, profite un peu de ta mécréance. Ici, il n'a pas dit, dis, profite un peu de ton polythéisme. Il a dit, dis, profite un peu de ta mécréance. Certes, tu fais partie des gens du feu. Et donc, on comprend clairement que la mécréance est au même degré que le polythéisme. Alors, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Il faut comprendre ici aussi que la mécréance est au même degré que le polythéisme. La mécréance est au même degré que le polythéisme. On va pas dire non, Allah il pardonne le polythéisme, mais par contre, il ne pardonne pas la mécréance. Celui qui ne croit pas en lui et soi-disant ne fait pas de polythéisme. Allahul Musta'an. Et donc, il est important de bien comprendre cela, oh chers frères. Deuxième question importante. Allah, on a vu que Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Il ne pardonne pas le polythéisme. Mais on a déjà vu, il y a deux formes de polythéisme. Il y a le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Est-ce que Allah ne pardonne pas non plus le polythéisme mineur? Les savants ont divergé sur ce sujet. Ils ont divergé sur ce sujet, mais il y a beaucoup de savants qui voient que ici, ce qui est voulu ici, c'est aussi le polythéisme mineur. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne ni le polythéisme majeur, ni le polythéisme mineur. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Et cette parole est générale. Cette parole est générale. Elle englobe le polythéisme majeur ainsi que le polythéisme mineur. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des différences entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Parmi les différences qu'il y a entre les deux, il y a le fait que le polythéisme majeur, il fait sortir la personne de l'islam et la fait passer du rang des mécréants. Tandis que le polythéisme mineur, lui, ne fait pas cela. La personne reste dans l'islam. Mais attention, le polythéisme mineur, il est pire que les grands péchés. Il est pire que les turpitudes, pire que la fornication, pire que le mensonge, pire que la désobéissance aux parents. Le polythéisme mineur est pire que les grands péchés. Et donc, nous devons nous méfier de ce polythéisme. Nous devons nous méfier et prendre garde et ne pas nous laisser aller. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une parole très connue de Soufiane al-Thawri, rahimahullah, qui disait « Mais jahadtu nafsi jihadaha ala niyya fa'innaha tanqalibu aliyya » Il disait « Je n'ai pas combattu ma propre personne. Je n'ai pas combattu ma propre personne de la même façon que je l'ai fait pour mon intention. Car mon intention changeait sur moi-même. Elle changeait l'intention. » Et donc, on comprend quoi de cela? Soufiane al-Thawri, qui fait partie des grands savants de la communauté musulmane. On comprend quoi de cela, oh chers frères? On comprend que on doit avoir peur du polythéisme majeur, particulièrement pour les pieux. Ça, c'est un sujet qui concerne les pieux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui agissent, c'est eux qui font des actes d'adoration, c'est eux qui vont œuvrer pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas ceux qui sont dans les péchés, hein? Comme on voit les jeunes qui font pas la salade parfois, etc. Ceux qui sont concernés ici par ce péché, par cette gravité, le polythéisme mineur, ce sont ceux qui vont accomplir des actes d'adoration. Et donc nous devons nous méfier de ce danger, ô chers frères. D'ailleurs, il y a un passage ici important qu'on va aller chercher tout de suite, bi-idhnillah, je vais aller chercher le livre. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il cite dans son explication de Kitab al-Tawhid un passage très important concernant le fait que le polythéisme mineur va annuler les œuvres. Le polythéisme mineur annule les œuvres, car on a vu que le polythéisme annule les œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit là, in ashrakta layahbatanna amaluk. Si tu accomplis du polythéisme, cela va rendre tes œuvres caduques. Le polythéisme mineur aussi va annuler les œuvres, il les rend caduques. Mais sauf que le polythéisme majeur, il annule toutes les œuvres que tu as faites. Mais le polythéisme mineur, il annule l'œuvre que tu es en train de faire. L'œuvre que tu es en train de faire. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a abordé ce sujet. Je vais chercher le livre tout de suite, Inch'Allah, et on va en parler. Alors, donc là, j'ai l'écrit du Cheikh devant moi. Je vais essayer de vous faire un résumé, Inch'Allah ta'ala. Alors, le Cheikh, il nous dit, rahmatullahi alayh. Premièrement, il faut regarder est-ce que donc le polythéisme mineur, est-ce que ar-riya, l'ostentation, est-ce que cette ostentation, elle concerne la base de l'adoration ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette personne, à la base, elle a commencé son œuvre en, avec une intention ostentatoire, ou alors l'intention ostentatoire est venue par la suite. Si cette personne a commencé son acte d'adoration avec une intention ostentatoire, alors son acte est caduque. Tu viens pour prier, hein, pour montrer aux gens, Alhamdulillah, moi je rentre à la mosquée, Mashallah. Je vais faire tahiyat al-masjid. Et les gens, ils vont me voir faire tahiyat al-masjid. Tu rentres à la mosquée comme ça avec cette intention, a'oudhou billah. La prière que tu accomplis, elle est caduque. Pourquoi? Parce que cette intention que tu as, cette mauvaise intention, elle est déjà dans la base de la prière. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le hadith Qudsi, Ana arna shuraka'i ani shirk. Je suis celui qui se passe le plus du polythéisme, de l'association. Men amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu. Celui qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association. Et donc cet acte-là, c'est de l'association. C'est fini. Il est caduc. Maintenant, on a un deuxième cas. C'est le cas où la personne, elle vient, elle fait sa prière pour Allah. Elle arrive à la mosquée, mashallah, elle fait sa prière pour Allah. Elle commence, Allahu Akbar. Elle est en prière. Pendant qu'elle commence à faire la prière, il y a le père de Foulana, avec qui il doit faire une mukabala dans pas longtemps, qui rentre dans la mosquée. L'intention, elle commence à changer. Ah, il faut que je fasse bien attention à ma prière. Pour que le père de Foulana, il me laisse se marier avec sa fille. Il me laisse me marier avec sa fille. L'intention, elle commence à changer. La personne repousse l'intention. Elle repousse l'intention. A'udhu billah min ash-shaytanir rajim. Il n'y a pas de mal. Alhamdulillah. L'intention, elle est venue. Shaytan, il est venu. Tu l'as repoussé. Alhamdulillah. Ta prière, elle est correcte. Tu continues ta prière, alhamdoulillah. Le problème, lorsque la personne continue avec cette intention. Lorsque la personne continue avec cette intention. Que se passe-t-il? À partir du moment où la personne continue avec cette intention, alors tout ce qu'elle aura fait avec cette intention sera caduque. Tout ce qu'elle aura fait, je dis bien tout ce qu'elle aura fait dans l'adoration. Tu as fait ta prière, tu as commencé, tu as récité le Fatiha, alhamdoulillah, tu avais une bonne intention. Tu es arrivé, tu as récité ensuite une autre sourate après le Fatiha, bonne intention. Roukour, bonne intention pendant le roukour, tu es en inclinaison. Tu te lèves de l'inclinaison et c'est là que tu vois le père de Foulena qui est là. Et c'est là que ton intention elle a changé et tu as gardé cette intention. Tu as prolongé ta station debout après l'inclinaison hein, pour que monsieur il voit bien que tu fais bien ta prière, mashallah. Et après, tu te prosternes, mashallah, tu fais bien attention à la position prosternée, ainsi de suite, assis. Tout ce que tu es en train de faire là, tout ça, c'est caduque. Tout ça, c'est caduque. Ta position debout, ta prosternation, ta position assise après la prosternation, la deuxième prosternation, ensuite il s'est levé, il recommence le fatiha, et là il se dit non, ikhlas, lillahi azza wa jal. Et donc il nous a fait quelques actes dans son adoration avec une mauvaise intention. Et ensuite les autres actes par la suite avec une bonne intention. On récapitule. Les actes qui ont une mauvaise intention ici, c'était quoi? C'était la station debout après l'inclinaison, puis la première prosternation, puis la position assise, puis la deuxième prosternation, ensuite il s'est levé et ça s'est terminé là. Est-ce que toute la prière, elle est caduque? Ou alors, c'est juste ces actes-là qui sont caduques? La réponse, elle est claire. C'est toute la prière qui est caduque. Pourquoi? Parce que ces actes-là sont des actes impératifs pour la prière. Font partie des piliers de la prière. La station debout après l'inclinaison, c'est un pilier de la prière. S'il est caduque, ta prière est caduque. La prosternation est un pilier de la prière. Si cette prosternation est caduque, ta prière est caduque. Ainsi de suite. Et donc ici, on a toute la prière qui est caduque à cause de cette mauvaise intention que la personne elle a eue. Derrière, ça continue. Ici, on a un autre cas. Une personne qui vient, il vient à la mosquée, mashallah. Il a 2 billets de 50 €. Il se dirige vers le responsable de la mosquée. Oui, j'aimerais bien donner un petit peu pour la mosquée, etc., etc. Ah, le responsable de la mosquée, il le voit. Et donc, il arrive, lui dit, il n'y a pas de problème. Le frère, il donne 50 €. Il donne 50 € avec une bonne intention, mashallah. Et c'est là qu'ensuite, il commence à chercher les deuxièmes 50 €. Il commence à chercher les deuxièmes 50 €. Et là, il y a le père de Foulena qui arrive. Encore une fois. Ah, la moukabala, blablabla. Il cherche les 50 €. Il trouve 50 € avec une intention pour le père de Foulena pour qu'il voit que, alhamdoulilah, je donne pour la mosquée. Il donne pour la mosquée. Est-ce que tout ce qu'il vient de faire est caduque? Non. La première partie, elle est correcte. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas liés, en fait. Les deux, au total, tu as donné 100 €. Mais les deux ne sont pas forcément liés. Tu as donné 50 € avec une bonne intention. Alhamdoulillah, c'est accepté. Les deuxièmes 50 € qu'il a donné ne sont pas acceptés. Ne sont pas acceptés. Alors ensuite, un autre point essentiel. On arrive au deuxième verset. Le deuxième verset qu'a cité l'auteur, rahimahullah. La parole d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il dit... Wajnubni wabeni ya an na'bud al-asnam et éloigne-moi ainsi que mes descendants d'adorer les statues. Regardez, méditez, oh chers frères. Premièrement, qu'est-ce que al-mujanaba? Al-mujanaba, puisque le terme qui a été utilisé ici, c'est wajnubni. Et donc, al-mujanaba, que j'ai traduit par éloigne-moi. Mais cependant, il y a une différence entre wajnoubni, que j'ai traduit par éloigne-moi, et waabidni, qu'on traduit aussi par éloigne-moi. Mais en arabe, il y a une différence entre les deux. Les savants, ils nous disent que le mujanaba, c'est le fait que la chose dont tu veux t'en éloigner, elle est d'un côté et toi, tu es à l'opposé. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, il a demandé qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'éloigne un maximum du polythéisme. Et qui est Ibrahim? Qui est Ibrahim? Celui qui est appelé Imamul Muwahidin, l'imam des monothéistes. Qui est Ibrahim? Celui dont les religions se battent pour lui. Toutes les religions disent que Ibrahim est des leurs. Qui est Ibrahim? Celui dont Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a pris comme Khalil, bien-aimé, le plus aimé. Celui qui est ma'soum min ash-shirk, saghirihi wa kabirihi. Il est exempt de tomber dans le polythéisme, qu'il soit mineur ou majeur, parce que c'est un prophète. Et certes, les prophètes sont exempts de cela, du polythéisme. Allah, il les préserve du fait de tomber dans le polythéisme. Malgré cela, Ibrahim, alayhi salam, il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala, de le préserver du shirk. Alors, qui sommes-nous, ya jama'a? Qui sommes-nous, ô mes frères et sœurs, pour ne pas avoir peur de tomber dans le polythéisme? Qui sommes-nous? Il est impératif à tout musulman et musulmane de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer, d'avoir peur de tomber dans le polythéisme. Si aujourd'hui tu veux être préservé du polythéisme, tu veux être préservé des péchés, certains n'arrivent pas à délaisser les péchés, hein? Tu veux être préservé de tout ça? Demande à Allah Azzawajal. Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah Azzawajal de le préserver contre le plus grand péché. Pourquoi est-ce que toi tu ne demandes pas? Demande. Et aussi, on voit un point essentiel aussi, oh cher frère, le fait que Ibrahim, il n'a pas demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de l'éloigner, lui et sa descendance, de la pauvreté. Hein? Comme nous ici, on pense souvent à la pauvreté, comme si c'était la plus grande catastrophe qui pouvait nous arriver. Non! Il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver contre le polythéisme. Et voilà comment nous devons penser, oh chers frères et sœurs, barakallahu fikoum. Et regardez, il a pensé à sa descendance. Nous devons penser à nos descendants, à nos enfants, afin qu'ils soient préservés du polythéisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite deux hadiths. Ne vous inquiétez pas, inshallah, on ne va pas faire trop long. L'auteur, il nous cite deux hadiths. Il nous dit, wa fil hadith, أخوف ما أخاف عليكم الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Ce qui me fait le plus peur, ce qui me fait le plus peur, donc dans le hadith, ce qui me fait le plus peur vous concernant, c'est le polythéisme mineur. Puis il fut interrogé concernant cela, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant celui-ci, concernant le polythéisme mineur. Et il a dit, Ruaria, le polythéisme mineur, c'est l'ostentation. Le polythéisme mineur, c'est l'ostentation. Ce hadith, ô cher frère, le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il nous dit que ce hadith, il est authentique en rassemblant toutes ces chaînes de transmission. En rassemblant ces chaînes de transmission, le hadith est authentique. C'est-à-dire que les chaînes de transmission se renforcent les unes des autres. Mais l'ostentation, qu'est-ce que l'ostentation? L'ostentation, c'est le fait que l'individu va embellir son acte d'adoration, que ça soit par la parole ou par les actes, afin de rechercher les éloges des gens, afin de rechercher le fait que les gens lui fassent des éloges et le citent en bien. afin de rechercher le fait que les gens lui fassent des éloges et le citent en bien. Voilà ce qu'est l'ostentation. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de celui qui prie et qui donne l'aumône et qui voit le père de Fulena. C'est exactement ce même cas-là. Et donc, il y a ensuite l'auteur qui nous dit, Rahimahullah, il nous dit, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Et donc, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui meurt en invoquant un égal en dehors d'Allah rentrera dans le feu, rapporté par l'imam al-Bukhari, hafidhahullah, rahimahullahu ta'ala. En fait, le terme du hadith, ce hadith qui est donc dans Sahih al-Bukhari et aussi Sahih Muslim, il n'est pas que dans Sahih al-Bukhari comme nous l'a cité l'auteur, mais il est dans Sahih Muslim aussi. Les termes qui sont dans ce hadith, la parole, en fait, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une parole et moi j'en ai prononcé une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt alors qu'il invoque un égal à Allah en dehors d'Allah, celui-ci rentrera dans le feu. Et moi j'ai dit, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, il dit, moi j'ai dit, celui qui meurt alors qu'il n'invoque pas d'égal en dehors d'Allah, alors celui-ci rentre au paradis. Celui-ci rentre au paradis. Et ce hadith, oh chers frères, il est clair quant à la mise en garde contre le polythéisme. Il est clair, on comprend clairement ici le fait de s'éloigner, de se méfier du polythéisme. Il y a un point essentiel aussi dans ce hadith. Vous constatez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié ce châtiment, le fait de mourir et le fait d'aller dans le feu, il a lié ce châtiment à la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de faire du polythéisme, mais c'est le fait de mourir sur cela. Pourquoi? Parce que tant que la personne n'est pas morte, la porte du repentir est ouverte. Nous ne devons donc pas désespérer quant à nos proches. Tu vois tes proches qui vont à l'église tous les dimanches. Tu vois tes proches qui font du polythéisme, ils vont voir Sidi Foulen. Ne désespère pas, la porte du repentir est ouverte. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Celui d'entre vous qui rejette sa religion, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion et qui meurt en étant mécréant, alors celui-ci ou alors ceux-ci sont ceux dont leurs œuvres deviennent vaines. Et donc le sujet est lié à la mort, au fait de mourir comme tel. Avant la mort, la porte du repentir est encore ouverte. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, dernier hadith, donc le troisième et dernier hadith que nous cite l'auteur, il nous dit Wali Muslimin. Et donc ça c'est donc la narration donc de l'imam muslim. Le même hadith qu'on a cité précédemment, Wali Muslimin, An Jabir. Ici, avant le hadith, c'était selon Ibn Mas'ud. Ici, l'auteur, il nous cite la narration selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dans la narration, dans le recueil de l'imam muslim. Et donc, Jabir qui nous dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a call, Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an, dakhala al-jannah. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Celui qui rencontre Allah sans lui accorder quelconque associé, celui-ci rentre au paradis, et celui qui le rencontre en lui accordant quelconque associé rentrera dans le feu. Ce hadith confirme et appuie ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le fait de prendre garde au polythéisme sous toutes ses formes. Le hadith est général, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Nous devons donc nous méfier tous de ce danger qui fait que la personne peut soit rentrer en enfer, cela pour le polythéisme mineur, soit rester éternellement en enfer pour le polythéisme majeur. Et donc nous devons faire très très attention à cela, ô chers frères. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.